voix se taise, tu deviens aveugle et sourd. La nuit garnouffe pour quelques heures. Zone sale, les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance et la violence éclamée, je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens. D'autres mots.